Dede, Onana, Tatao, Mabwa, Omandik, Funde Hekeke, Kono Hebwele, Magal, Basinge, Ojemila, Ojemila, Maka, Maka, Maka, Maka. Tu parles de cause à cause. Hey!